logique. Donc, si on pense au niveau politique, il y a tout récemment le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui annonce sa démission en début 2025, alors que vers la fin de 2024, Donald Trump a été élu et qui veut que le Canada devienne un 51e État américain, rien de moins. Donc, pour commencer cet enregistrement, c'est sûr que, sachant que tu t'intéresses à beaucoup de sujets, tu es très éclectique, et pour les gens qui nous écoutent, ben, je vais me permettre de l'amener sur plusieurs pistes de discussion. Mais pour commencer avec ce changement politique qui s'opère, là, donc de présidence à la fois du Canada et des États-Unis, donc j'étais curieux de voir si tu avais un avis là, par rapport à ça. Oui, mais pas général. De toute façon, je m'excuse, là, mes voisins sont bruyants, mais c'est sûr, non, je n'ai pas vraiment d'avis. J'ai l'impression, moi, que ça change pas grand-chose. Finalement, Trump, bon, j'ai parlé, comme l'affaire, le triangle de Karpman, puis ces affaires-là, c'était au cas où qu'il y ait un Trump, il y en a tout le temps un. Trump, j'ai rien contre ni pour, à mes yeux, c'est comme une construction. Je veux pas vraiment d'avis. Je veux dire, Trump, comme là, il fait des menaces de. Ben oui, mais c'est pour négocier. Bien entendu, parce que pour les gens qui nous écoutent présentement, Donald Trump menace d'imposer des frais de 25 % pour les exportations canadiennes vers les États-Unis, ce qui pourrait mettre potentiellement à terre l'économie canadienne ou tout au moins de l'amener en récession là, si ça s'actualise. Quand tu veux négocier, tu veux être en rapport de force pour négocier, tu veux être en position de force. C'est pour ça qu'il faut que tu commences de même. Je veux dire, c'est pour ça que moi, je trouve toujours spécial la façon dont les médias présentent les choses, parce que c'est quelque part, je veux dire, ça a toujours été comme ça. L'affaire, bon, c'est Oui, sûr qu'il par y a une contre, partie de bluff. oui, c'est sûr. Ouais. Donc, c'est sûr que lui, c'est un homme d'affaires expérimenté, Donald Trump. Mais j'étais curieux de savoir si, par rapport à ce personnage flamboyant sur le plan médiatique, par rapport à cette déclaration, il y a un côté aussi baveux, intimidateur, hein, tu sais, nous considérer comme un État puis traiter Justin Trudeau de gouverneur au lieu de Premier ministre du Canada. Donc, Ben, Trump, il va tout le temps exploiter les circonstances. Donc là, je veux dire, c'est là que c'était faible au niveau de l'image. Donc c'est là qu'il frappe, c'est là qu'il. Mais c'est une façon de faire la politique comme une autre. Mais dans le fond, c'est pas à prendre au sérieux le 51e État, là. C'est ça, c'est comme tu dis, il est baveux. Mais c'est un style, c'est une façon de faire. oui, ben, c'est Mais. un opportuniste, un homme dominateur qui cherche à imposer sa vision puis manipuler les gens pour les amener à réagir. Et c'est ce qu'il réussit à faire présentement là, sur le plan médiatique. Mais j'étais curieux de savoir si, de ta perspective, Trump est un ange ou un démon. Parce que certaines personnes qui, dans les médias alternatifs, vont le voir comme étant le sauveur de l'humanité, qui va faire le nettoyage par rapport à la corruption, par rapport à l'état profond également, par rapport aux dépenses folles aussi qui ont cours aux États-Unis. Il y en a d'autres qui le voient comme étant le diable incarné, un être malveillant, maléfique, qui va détruire la planète avec ses visions où ce que l'entreprise puis l'America First doit dominer avec ce monde de vie qui met l'emphase sur la surconsommation. Pour moi, Trump, c'est une créature politique dans le sens qu'il est là parce qu'il accomplit un travail qui est C'est quoi dans son l'intérêt travail? de ce qu'on pourrait appeler l'Empire atlantiste, là. Donc, non, je le vois ni comme totalement bon ni comme totalement mauvais. C'est une créature politique, c'est un personnage politique. Il accomplit quelque chose. Si on veut aller sur le plan de la morale, il faut aller plus loin que lui. Parce que c'est pas lui qui. Moi, à mes yeux, c'est pas. Pour moi, Trump, de toute façon, dès que c'est quelque chose de visible, puis bon, il y a une partie spectacle, la politique, que ce soit internationale ou C'est pas là que ça joue vraiment tant que ça. C'est derrière les rideaux que ça se passe. C'est des intrigues de couloir. Ça a tout le temps été comme ça. C'est des affaires d'antichambre, la politique. C'est pas ce qu'on a en pleine lumière d'en face. Ça, Non, c'est le non, résultat, ça, je suis l'aboutissement, d'accord avec. le côté tactique. Non, non, je suis d'accord avec toi que, dans le fond, Trump, c'est un petit peu la pointe de l'iceberg, puis l'essentiel se joue dans les coulisses. C'est juste une personnalité flamboyante, médiatique. Ben, comme il y en a eu avant, je veux dire, même on pourrait remonter à la Renaissance. C'est décrit. Bon, en tout cas, je vais aller mettre le chat dehors, puis je reviens. OK. Donc, pendant que, il va sortir son chat à l'extérieur, eh bien, ce que je peux mentionner aux gens qui m'écoutent présentement, c'est que par rapport à Bertold, j'ai réalisé au fil du temps une multitude d'enregistrements. Donc, si vous allez sur ma chaîne YouTube, naturellement, vous allez pouvoir en retrouver là, une très grande quantité. Il y a aussi d'autres chaînes sur Internet, donc vous pouvez en retrouver, dont supramental Bertold. D'ailleurs, si son responsable écoute présentement, je le salue parce qu'il a fait un travail considérable en archivant plusieurs centaines d'enregistrements de Bertold au fil des ans. Donc, ceci dit, ben, vous allez pouvoir avoir aussi en bas de l'enregistrement présent des liens web là, en lien avec des enregistrements que vous pouvez écouter Bertold dans mon audiothèque. Vous pouvez retrouver plusieurs centaines d'enregistrements se rapportant donc à lui là, en format MP3. Donc, j'en ai profité pour faire des petites annonces pendant que tu as sorti ton chat. Il est encore là, il veut pas sortir. Bon, ben, au Ça se moins, tu peut auras qu'il... essayé. Donc, si les gens qui nous écoutent et que vous entendez des miaulements pendant l'enregistrement, c'est normal. Bon, c'est parce qu'il demandait pour sortir, mais là, il est trop froid. Il fait trop froid, il veut Ben pas. là, c'est sûr que pour les gens qui sont en train de visionner l'enregistrement, c'est de comprendre qu'on est en hiver ici au Québec, où ce qu'on vit. Et c'est sûr qu'avec une température qui est quand même très basse, avec le facteur éolien, à ce moment-là, c'est vraiment pas agréable là, pour un chat d'aller à l'extérieur. Bon, je pense que bon. Qu'est-ce qu'on disait donc Trump? Oui, on va revenir à notre sujet là, Ouais. par rapport à Trump, parce que c'est quand même un événement marquant dans l'actualité, dans le sens que Donald Trump a déjà été élu président des États-Unis, ensuite il y a eu Joe Biden, là il est de retour au pouvoir. Et moi, ce que je voulais avoir, c'était ta perspective, à savoir si son retour aux commandes des États-Unis, qui est quand même une superpuissance internationale, si de ta perspective, c'est de bon augure. Bon, ben, je veux dire, pourquoi avoir, est-ce que c'est de bon augure, de mauvais augure? Ça se présente comme ça a été voulu. Je veux dire, prends les médias. Bon, les médias, dès qu'ils attaquaient l'image de Trump d'une façon sournoise, des fois c'était vicieux, c'était carrément méchant. Ben, Trump, il montait dans les sondages. Il était populaire de plus en plus. Moi, ce que je dis, c'est que les médias, il y a eu de la psychologie inversée pour le rendre encore plus populaire. Puis, normalement, s'il voulait le rendre le plus impopulaire possible, les médias, ils sont impopulaires. Donc, la stratégie est différente, je veux pas la façon d'opérer. Mais il reste que, moi, je reste pareil parce que pour moi, je veux dire, Trump, c'est pas lui qui mène. Je suis persuadé que non. Je suis persuadé qu'il a accompli un travail. Pour moi, c'est que presque un faux débat. C'est la surface des choses. C'est quoi les intérêts des Américains à long terme? Je parle, si on regarde leur politique, là, même, t'sais, depuis après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à, c'est des choses comme ça qu'il faut regarder. Parce que Trump, il va passer. Il est là un temps. Oh oui, ben, dans le fond, sa durée est prédéterminée. Quelqu'un peut pas être à la présidence des États-Unis pendant plus de 8 ans. Après 2 mandats, la personne est obligée de céder sa place. Même une créature politique comme Henry Kissinger finit par passer. Que ça soit, ou même au niveau intérieur, là, comme Hoover, puis même ça, c'est des règnes, ça finit par passer, c'est des heures qui passent. C'est comme t'as l'air un tel, mais c'est quoi, on est dans l'ère quoi, là? On est dans l'ère Trump? Est-ce que c'est vraiment l'ère Trump? Je veux dire, on sait même plus, dans le fond, c'est qui mène certaines les agentures américaines, tellement qu'en façade, ça n'arrête pas de changer, que les différentes administrations, ils n'arrêtent pas de nommer, de changer les. À un moment donné, c'est parce que tout ça, là, comme là, on est en train de parler, on est en train de décrire de la boucane. Tu sais, pourquoi on avait fait des entrevues pendant des années, puis là, je disais, comme par exemple, la crise du COVID, il va arriver telle affaire, ça va, ils vont faire telle affaire, telle affaire. Puis après, bon, là, la guerre en Ukraine, je disais, ça va durer des années. Puis là, après, tu sais, je veux dire, si j'avais pas été, si on peut dire, si j'étais encore là, j'étais pas là quand il y a eu, il me semble que le plus gros, j'étais pas là, là pour ce qui arrive avec Israël. Mais je veux dire, c'est pas en regardant la boucane qu'on voit ce qui va arriver. Dans le sens que tout ça, là, Trump, puis Non, non, c'est mais pas ça. C'est pas ça la réalité. mais C'est pas réel. Dans le sens, pas dans le sens, comme certains vont dire, ah, c'est tout faux, c'est tout faux. Non, non, Trump, il joue un rôle, il fait un job. Parce qu'il y a un job de façade à faire. Le côté technique de la psychologie de masse et de la manipulation, ça, c'est dans notre, c'est dans, on l'a, je veux dire ça, c'est pas l'autre bord de la boucane, on peut l'étudier comme ils font de notre bord, mais il reste que, bon, il y a différents degrés à ça. L'affaire, là, diviser pour mieux régner, après qu'on ait compris un peu plus comment le système nerveux marche, puis certaines affaires, puis à cette heure-là, le nec plus ultra du raffinement de ça, c'est de diviser l'individu en lui-même. Puis ça se fait par des écrans, ça se fait par les. Je veux par de la dire, à propagande partir des années médiatique. 50, la TV, il y a eu la radio aussi qui a joué. Mais là, ça s'est rendu plus loin, là. C'est ça, il est là, l'affaire. Il est pas à dire, bon, ben là, c'est quoi la stratégie de Trump? C'est des affaires banales de. Comme d'habitude, ça continue comme d'habitude. On s'en fout des menaces de Trump. Le principal partenaire commercial des États-Unis, c'est le Canada. Eux autres, ils contrôlent le gun, puis nous autres, on a le contrôle sur leurs pieds. C'est-à-dire que si on veut, on peut faire, ils vont se tirer dans le pied s'ils osent tirer. Nous autres et tout, on a des positions de force, là, s'ils veulent commencer à jouer à ça. Ils veulent nuire à leur propre économie. C'est ça qu'ils veulent, on peut les aider. Tant qu'à nous autres à aller dans le trou, on va lui tirer un petit peu s'ils nous mettent dedans de force. Ben, C'est le je suis même, ça curieux de voir marche. c'est quoi la position de force du Canada en ce sens que l'économie canadienne est à la remorque de l'économie américaine. Donc, on a. Franchement, David, tout par rapport à certaines matières premières, comme au niveau, comme tout qu'est-ce qui est la pulpe, ces affaires-là, on a besoin encore pareil. Puis pareil, certains minéraux aussi, certaines affaires. Les Américains, oui, ont des affaires sur le terrain, puis tout, mais au niveau du coût de leur main-d'œuvre, ça leur coûte plus cher de l'exploiter leur propre richesse que de venir voler les notes. Fait que quelque part, si nous autres, on les empêche, puis en plus, c'est pas juste ça, il y a des consortiums, puis tout, puis tu sais, je veux dire, les Américains, ils ont des intérêts dans des minières australiennes qui viennent au Canada, puis c'est tout comme un jeu de domino, ça, là. Oui, tout est interrelié, mais si je parle au niveau plus en termes de puissance militaire, on s'entend que le Canada fait pas du Allô, tout le ça n'a tour pas par rapport aux rapport, Trump, il est en États-Unis. train de nous menacer militairement. Ben, pas pour l'instant. On parle Bon, d'une franchement, forme d'une David, guerre depuis quand économique. tu me menaces d'attaquer tes domestiques? Voir si Trump va les États-Unis s'attaquer militairement au Canada, on fait toute partie de la même patente. Tu sais, depuis quand que Non, tu je sacres voyais pas plus dans comme ta ça, maison? mais c'était plus dans le sens que si, par exemple, le Canada, dans le fond, ne contribue pas à la hauteur de 2% et plus par rapport au budget de l'OTAN, on serait plus protégé advenant qu'il y aurait des attaques russes ou qu'ils viendraient sur notre terrain. Franchement, David, il y a des affaires par rapport au NORAD, puis il y a des traités qui ont été signés, puis tout. C'est comme je te dis, Trump, là, il fait juste passer. Il y a des affaires qui n'ont pas le pouvoir. OK? Le NORAD, puis de la façon que c'est fait, puis tout. De toute façon, les Américains, ils ont intérêt à nous protéger. Voyons, les Russes sont droits en haut. Tu sais, à un moment donné, là, quand je te dis, on rit du monde, là. Des fois, le monde me trouve un petit peu sec, il me trouve un petit peu. Ben oui, mais c'est tellement décourageant. T'sais, on est tout le temps en train de débattre de c'est pas, c'est même pas ça, là.